Nous sommes en plein abroglio. Jacquette, sous le nom de Jacquet, était devenu le mari de Bianca. Et voici que sous l'apparence d'une gardeuse de moutons, car le costume de Béarnaise se rapproche de celui d'une bergère, elle doit, par ordre du grand-duc, épouser maintenant le chevalier Pomponio. Quant au capitaine Perpignac, bien qu'il ait pu se justifier cette fois encore, son cas semble louche au grand-duc qui l'éloigne de la cour en lui confiant un commandement militaire. C'est pourquoi, le lendemain matin, nous allons retrouver notre aimable Gascon dans un bastion à l'une des portes de la ville de Parme. Ses soldats déjà sont prévenus de sa proche arrivée et c'est pour le bien accueillir qu'ils vont s'éveiller à la fine pointe de l'aube. Perpignac, avec quelques bonnes paroles, conquiert aisément ses soldats. Le plus dévoué d'entre eux est certainement un jeune factionnaire imberbe, pas bien grand, tout menu, et qui parle avec une voix de fillette et un fort accent béarnais. Évidemment, c'est Jacquette que Perpignac est parvenu à faire sortir du palais ducal sous des vêtements militaires. Malheureusement, Pomponio, la comtesse et Girafeau surviennent avec le grand-duc. Celui-ci tente une enquête qui ne le mène à rien, car Jacquette joue fort bien son rôle de factionnaire naïf et balourd, prétendant qu'une gardeuse de moutons et un petit seigneur sont en effet passés par ici, qu'ils se sont en sauvés ensemble. Le grand-duc, fort en colère de ne pouvoir sauver la morale avec les mariages projetés, s'en prend à Pomponio à Bianca qu'il menace des pires sanctions. Le chevalier et la comtesse en sont... Assez chiffonné, et ma tournure est agréable. J'ai de l'œil, du cheveu, du nez. Quand il le faut, je suis aimable. C'est vrai qu'il est très chiffonné. C'est vrai qu'il est très chiffonné. Je n'avais pas mieux vu son nez. Allez partout aux références. On vous dira, j'en suis certain, sur moi des choses plus qu'immenses. Car les femmes n'ont qu'un refrain. Et ce refrain? Ce refrain. Qu'il est bon, qu'il est bon, le petit pompon, le petit pompon. Qu'il est bon, le petit pompon. Le petit pompon. Le petit pomponio, le petit pomponio. C'est vrai, je ne suis pas banal, et mon physique n'est pas mal. Bref, j'aurais pu, bien qu'étant veuve, trouvant dans ce nouvel hymen une impression toute neuve, à mon tour dire ce refrain. Et ce refrain? Le petit pompon, il est bon, le petit Poponio, le petit Poponio. Il est trop tard, c'est un beau rêve. Trouve assez chiffonné et ma tournure est agréable. J'ai de l'œil, du cheveu, du nez. Quand il le faut, je suis aimable. C'est vrai qu'il est très chiffonné. C'est vrai qu'il est très chiffonné. Je n'avais pas bien vu son nez. Allez partout aux références, on vous dira, j'en suis certain, sur moi des choses plus qu'immenses, car les femmes n'ont qu'un refrain. Et ce refrain, ce refrain, qu'il est beau, qu'il est bon, le petit pompon, le petit pompon, qu'il est bon, qu'il est bon, le petit pompon, le petit pomponio, le petit pomponio. C'est vrai que vous n'êtes pas mal, vous savez quand on vous détaille, je ne sais quoi de pas banal, de la plastique et de la taille. C'est vrai, je ne suis pas banal, c'est vrai, je ne suis pas banal, et mon physique n'est pas mal. Bref, j'aurais pu, bien qu'étant veuve, trouvant dans ce nouvel hymen une impression toute neuve, à mon tour dire ce refrain. Et ce refrain, ce refrain, et qu'il est bon, qu'il est bon, et le petit pompon, et le petit pompon, qu'il est bon, qu'il est beau, et le petit pompon, le petit pompon, le petit pomponio, le petit pomponio. Il est trop tard, c'est un beau rêve. Peut-être pas. Pomponio et la comtesse voulant poursuivre l'interrogatoire malmène un peu le factionnaire qui, dans un faux mouvement, perd le capuchon de sa houppelande militaire. Aussitôt, reconnaissant Jaquette, Pomponio et Bianca s'écrient d'une seule voix, lui, « C'est ma femme, la gardeuse de moutons !»« Elle, c'est le jeune seigneur, mon mari !» Et comme à cet instant le grand-duc survient avec Girafou et Perpignac, il ne reste plus à Jaquette qu'à dire toute la... « Je ne suis pas gardeuse de moutons. Je ne suis pas le mari de la comtesse. » Je suis tout simplement la cousine de mon cousin, le capitaine Perpignac. Oh, elle nous a tous mis dedans. Est-ce vrai, capitaine? Hélas, monseigneur. C'est bon, votre épée. La voici, monseigneur. Je suis flambé. Ça m'en a tout l'air. Eh bien non, monseigneur est bon. Il est généreux. Il pardonnera. D'ailleurs, je connais les principes de votre... Je viens d'être compromise, le scandale est évident. Pour ne pas qu'on en médise, il faut agir promptement. À quoi bon faire tapage quand le remède est tout prêt? Pour éviter tout caquet, quoi de mieux qu'un mariage? Oh monseigneur, mariez-nous! Oh monseigneur, mariez-nous! La chose est nécessaire! Dépêchez-vous, mariez-nous, dépêchez-vous, vous n'avez rien de mieux à faire. À monseigneur, mariez-nous, à monseigneur, mariez-nous, à monseigneur, mariez-nous, à monseigneur, dépêchez-vous, à monseigneur, mariez-nous, dépêchez-vous, à monseigneur, mariez-nous, à monseigneur, mariez-nous, dépêchez-vous. Quoi pour une peccadille, on lui ferait de l'ennui. Si je suis fraîche et gentille, ce n'est pas sa faute à lui. Prenez un parti plus sage, la prison, mauvais moyen. On en sort, ma foi, fort bien, tandis que le mariage. Ah, monseigneur, mariez-nous, ah, monseigneur, mariez-nous, la chose est nécessaire, mariez-nous. dépêchez-vous, mariez-nous, dépêchez-vous, vous n'avez rien de mieux à faire. À Monseigneur, mariez-nous, à Monseigneur, mariez-nous, à Monseigneur, mariez-nous, à Monseigneur, dépêchez-vous, à Monseigneur, mariez-nous, dépêchez-vous, à Monseigneur, mariez-nous, à Monseigneur, mariez-nous, dépêchez-vous. Tiens, au fait, qu'est-ce que je cherche ? Une réparation ? Eh bien, vous vous épouserez. Oh, quel bonheur ! Alors, pendant que vous y êtes, monseigneur, puisque je vous dois une femme et que la comtesse Bianca vous doit un mari, mariez-nous tous deux ? C'est vrai. Et qu'en dites-vous, comtesse ? Bon, il faut bien faire une fin. Une fin ? Pour moi, ce sera un commencement. On va donc pouvoir s'aimer, ma petite Jacquette. Un instant, un instant. Pas avant 40 jours. Oh, nous demanderons une dispense au roi Henri. Il ne nous la refusera pas. Oh, sûrement pas. Mais d'abord, il y en a une autre à demander. Il s'agit d'une requête que j'adresse, s'il vous plaît, à vous, mesdames, pour Jacquette, à vous, messieurs, pour Jacquette. Chacun pour vous satisfaire, ce soir, a fait de son mieux. Prouvez-nous, mesdames, messieurs, que nous avons su vous plaire. Ah, mes seigneurs, applaudissez. Ah, mes seigneurs, applaudissez. La chose est nécessaire. Applaudissez et dépêchez. Applaudissez et dépêchez. Vous n'avez rien de mieux à faire. Ah, mes seigneurs, applaudissez. Applaudissez et dépêchez. Ah, mes seigneurs, applaudissez. Applaudissez et dépêchez. Ah, mes seigneurs, applaudissez et dépêchez. Applaudissez. Applaudissez. Applaudissez. Applaudissez. Et revenez. Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion télévision française vient de vous présenter La Béarnaise, opéra comique en trois actes, paroles d'Eugène Leterrier, Albert Vanlo, musique d'André Messager. Voici quelle en était la distribution. Jacquette, Lina Dachary, Bianca, Claudine Collard, Bettina et l'hôtelière, Gabrielle Ristori. C'est Willy Clément qui était le capitaine Perpignac, Raymond Amade, le chevalier Pomponio, René Lenotti, Giraffo, Aimé Donia, le duc de Parme, Gaston Ray, Grabassou, Gérard Friedman, Cadet. Réalisation Lucien Duchemin, collaboration artistique Georges Foy. Texte de présentation de Denise Vautrin, lu par Bergamote Jouffroy. Les interprètes, l'orchestre lyrique de la radiodiffusion télévision française et les chœurs, chef des chœurs Jean-Paul Créder, étaient placés sous la direction de Marcel